Deuxième temps de notre semaine consacrée aux grandes enquêtes sociologiques du début du XXe siècle. C'était hier avec Christian Topalov, grandes enquêtes hygiénistes du XIXe siècle, ça sera demain. Grandes enquêtes royales du Moyen-Âge, ça sera jeudi. Et aujourd'hui, grandes enquêtes anthropologiques des années 60 et 70. Ce matin, nous partons pendant 50 minutes pour un village de Bourgogne, Minot, dans la Côte d'Or. Minot qui fut choisi parmi d'autres comme terrain d'enquête par quatre femmes anthropologues entre 1967 et 1975. Elles y devinrent les dames de Paris et interrogèrent les villageois et les villageoises en tirant des ouvrages complémentaires qui assurèrent une connaissance approfondie d'une société rurale française des années 70 en mutation dans toutes ses dimensions. Retour à Minot, un documentaire de Séverine Yatar et de Véronique Samuilov jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin, avec les témoignages et les analyses de Françoise Donabend, de Henri Julien, de Monique Ormancé, de Geneviève Joblin, de Michel Guyonnet et de Gilles Laferté. Et l'école, elle est toujours... On est passé enfin ces voitures, là. Voilà. Il y avait aussi une boulangerie. Il y avait une boulangerie, lui aussi. Alors, du coup, on a plus de... Le pain, il y a encore deux boulangers qui passent, celui des nièces, celui de Grand-Sèvre. On en a tous les jours, malgré tout. Malgré tout, oui. Voilà. Monique Ormancet, l'actuelle maire de Minot, nous guide dans les ruelles de son petit village. C'est ici... qu'une grande enquête anthropologique sur la France rurale fut menée de 1967 à 1975. Quatre chercheuses, Tina Jolas, Marie-Claude Pingot, Yvonne Verdier et Françoise Zenaben, associées au laboratoire de Claude Lévi-Strauss, vont ainsi aller et venir pendant presque 10 ans afin d'enquêter sur la parenté, le système matrimonial, la mémoire familiale ou les rituels locaux. Il s'agit alors d'appliquer à un terrain français les méthodes et les problématiques de l'ethnologie classique. À Minot, on était les dames de Paris. À Paris, on était au laboratoire d'anthropologie sociale, on était les dames de Minot, ce qui avait un petit côté péjoratif, je dois dire. Vous nous décrivez une vie qui me semble ne plus exister du tout. Déjà, ça nous empêche d'être oubliés, carrément. Parce que si, vraiment, une Côte d'Or, je ne dis pas. On a travaillé vraiment avec leurs paroles. Voilà, nous attend. Retour à Minot, Séverine Yatar et Véronique Samuilov. Bienvenue à Minot. Attention, Monique, ça glisse, hein, nos escaliers. Françoise Donabend, qui n'est jamais retournée à Minot, revoit l'ancien maire Henri Julien à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, où ont été déposées toutes les archives de l'enquête. Le train est à l'heure, là ? Oui. Il est pas prêt, aujourd'hui, je pense pas. Il y a combien, 40 ans qu'on ne s'est pas vu ? Absolument. À peu près, hein ? À peu près. On n'a pas changé ? Pas du tout. C'est formidable. Et moi, j'avais les cheveux longs, alors je me suis dit, il ne va pas me reconnaître, c'est pas possible. Si, je me reconnais quand même. Si. Les archives de Minot, ce sont des généalogies dessinées, des cahiers et des carnets de notes, des fiches cartonnées, des pages d'entretien reconstituées et aussi de prolifiques conversations enregistrées sur des cassettes audio. Michel Guyonnet, l'ancien instituteur du village, se souvient bien de la venue des anthropologues. C'est le maire d'abord qui vient me voir, parce qu'on était assez jeunes tous les deux, puisqu'on avait un maire de moins de 30 ans, et qui me dit, bon, il y a des gens qui viennent de Paris, des journalistes qui s'intéressent au village. Je pense que l'école est quand même un petit peu le lieu où ces choses-là doivent revenir. Et donc vous rencontrez qui à ce moment-là? Je crois que je rencontre Madame... Non, mais je peux pas assurer Madame Pingot ou Madame, mais non, mais je sais pas. On va dire que pour nous, vous savez, les chercheuses, pendant longtemps, sont restées un groupe de quatre femmes qu'on appelait les Dames de Paris. Et comme on n'arrivait pas distinctement à voir quel rôle elles avaient, si elles avaient des spécialités et tout, dans le village, on disait « Alors, t'as vu les Dames de Paris ? Est-ce que les Dames de Paris sont venues ? Elles sont venues me voir à la maison ? Je sais pas quoi faire. » Et on les percevait dans le village un peu... Certains avaient pensé que c'était, comme ils s'intéressaient beaucoup, surtout Madame Pingot, à la propriété rurale, que peut-être c'était quelque chose pour les impôts. Vous rappelez de l'instituteur ? Ah oui, l'instituteur, ah mais oui. On ne l'a pas revu. Il nous avait accueillis au début avec beaucoup de... Françoise Zonaben et Henri Julien. D'interrogation, d'étonnement, parce qu'ils se disaient qu'est-ce que c'est qu'un chercheur, déjà. Mais une chercheuse et quatre chercheuses, c'est encore beaucoup. D'ailleurs, au début, il disait, c'est simple, je les reconnaissais pas les unes des autres. Et quand on a cherché quel était le village où s'installer, quand on est venu vous voir, vous nous avez accueillis. Vous saviez, j'étais avec Monsieur Kiva. Et vous nous avez accueillis, vous avez dit, bah écoutez, pourquoi pas, si vous voulez chercher, cherchez, vous verrez bien. Pas plus. Gilles Laferté, vous êtes sociologue. Mmh. Et là, nous sommes à la MSH de Dijon, à la Maison des Sciences de l'Homme. Il y a bien sûr les archives de l'enquête Minot. Alors oui, c'est ça le modèle qui est derrière l'enquête Minot et donc surtout RCP. Minot est une extension de la RCP châtillonnaise. Ça s'inscrit dans un ensemble de grandes enquêtes, donc les recherches coopératives sur programme, qui est un modèle de financement de la recherche dans la France des années 60, avec une vision assez usinière des sciences sociales, c'est-à-dire on va regrouper l'ensemble des différentes sciences sociales et on va faire une sorte d'usine des sciences sociales pour tout capter d'un lieu. Et donc l'entrée est assez monographique. Et donc la RCP châtillonnaise s'inscrit dans une série de RCP. La première, la plus connue, c'est celle de Plozévet. Et donc ils ont pensé, après cette enquête, que l'espace dans lequel ils avaient envoyé tous ces chercheurs était trop restreint. Et donc ils étaient un peu marchés dessus, les uns sur les autres. Et ils avaient enregistré une enquête sur les formes traditionnelles d'une France rurale qui allait bientôt disparaître, une forme d'ethnologie de l'urgence avant que tout ça tombe. Après donc cette enquête, se met en place la RCP Aubrac. Alors la RCP Aubrac, elle est donc un peu en contre-modèle de la RCP Plozévet. Donc là, il y a la troisième qui s'enchaîne. C'est toujours donc contrôlé par les mêmes institutions, le Musée des Arts et Traditions Populaires, mais aussi, là, c'est un point assez neuf de la RCP du Châtillonnais, le Laboratoire d'Anthropologie Sociale. Donc dans ces enquêtes monographiques, le Laboratoire d'Anthropologie Sociale se choisit un village. Donc ils cherchent. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une prospection. En plus, c'est des enquêtes d'État. Donc c'est-à-dire, on arrive... Là, on sent bien qu'il y a une hiérarchie importante à l'époque où les chercheurs sont parisiens, sont élevés dans la structure sociale. Ils passent par la préfecture. Ils vont voir à Dijon un ensemble de personnes, de représentants de l'État à l'échelle locale. En fait, ils se présentent aux autorités. On pourrait presque dire qu'ils entrent comme une enquête d'autorité. Je vois là, Jean-Claude, Sylvain, Christine, Philippe, Sylvie, Isabelle. Oh oui, mais c'est là maintenant. Ils habitent tous dans les quatre coins de la France. Alors là, Françoise Zonaben, on a donc le premier rouleau. Voilà, ça, c'est notre premier essai, en quelque sorte, de travail sur la parenté. Et émerveillé par... Les registres paroissiaux qui étaient encore aux archives du village, on a pensé que l'on pouvait, en partant des données d'aujourd'hui... Donc en bas, en bas rouleau, à partir des plus anciens habitants du village, qu'on pouvait remonter à partir d'eux, en quelque sorte, presque... au XVIIe siècle. Voilà, au XVIIe siècle, et montrer que tous descendaient d'une famille fondatrice, en quelque sorte. Mais il y avait un nom qui circulait. Un nom qui circulait comme une sorte de flambeau de l'existence au village, de montrer que là, on est tous des Girardeaux, en fin de compte. Mais bon. Vous écriviez très très petit, parce qu'il y avait beaucoup d'informations à mettre. Hein, mais oui, mais... François Zonaben, il y a des pointillés partout, c'est au stylo bic. Les triangles représentent les hommes, les ronds des femmes. Le trait ici, ça veut dire que ce sont des frères et des sœurs. Et quand il y a un égal ou comme ça, ou un trait par en dessous, c'est le mariage. Mariage. Si si par exemple, ça veut dire quoi si les traits sont longs ou... Ben c'est l'âge. C'est l'âge. Parce que là, vous devez vous reporter à l'année. Donc celui-là, il s'est marié en 1889. Et les pointillés permettaient de savoir que c'est la même personne, là. Elle s'est mariée à cette date-là. Mais je me suis bien rendu compte que si je continuais, ça allait devenir illisible. Et que d'ailleurs, ça ne m'apportait pas grand-chose. Donc, j'ai dû passer beaucoup de temps. Ah ben, j'imagine. Maintenant, quand j'y pense, je pensais que, voilà, que je pourrais reconstituer cette famille Girardot dont tout le monde nous parlait. Eh ben, non. Ah ben, les Girardot, on était tous parents avec. Hein. Voilà. Moi, j'ai les descendants, là, des Rouget. Nicolas. Le père Girardot, puis le père du Girardot qui était ici, c'était les deux frères. Alors c'était les petits cousins de Girardot de Torreza. C'est Lucien Girardot qui a remplacé le Théodore Girardot. De Théodore Girardot, il a descendu à l'Étoile. Ces Girardot-là, c'est des petits cousins de ceux-là. Mais ils sont originaires de Minos, ceux-là. Girardot Furter, alors. Oui. Il avait épousé une Furter. Une Furter, oui. Alors ces Girardot-là, il avait deux sœurs. Oui. Alors sur terre, il avait un frère qui était à Bargeon. C'était le Poli de Girardot. Au départ, on a voulu, en bonne élève de Lévi-Strauss, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, il fallait qu'on travaille donc sur la parenté. Françoise Zonabel. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ce que disaient les gens, ce qu'ils pensaient et ce qu'ils faisaient de leur parenté. Et donc, on a abandonné cette... belle. Cette méthode, de travailler sur les registres paroissiaux et on a décidé de discuter avec les gens de leur parenté et de refaire avec eux leur généalogie. La richesse des archives, eh bien, elle ne nous donnait pas tous ces renseignements. Et c'est notre différence avec les démographes, avec les historiens, parce que on a travaillé vraiment avec leurs paroles. Pour en revenir à ces Girardot de... Maintenant, ils reviennent plus au pays, il n'y a plus personne ou... Non, ben Théodore, celui-là, cette famille-là, le voilà qui est mort, il est enterré, il n'y a plus personne au pays, les maisons sont vendues. C'est là où bas, c'est vendu, cette famille Girardot, il n'y a plus rien, le père Girardot, là, il n'y a plus rien, les autres Girardot qui étaient là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un descendant d'éclair, ces vieux Girardot-là qui est là, la famille, tout est parti. Et c'est vrai que, justement, cette façon de certains seuils qui sont apparus de leur mémoire qui s'arrêtaient. Pourquoi est-ce qu'on ne remontait pas au-delà des arrière-grands-parents, par exemple, alors que dans d'autres sociétés, vous avez des mémoires orales qui sont beaucoup plus longues. Bien, ici, c'est que ça leur suffisait d'avoir cette mémoire qui s'arrête à ces générations antérieures parce que, à ce moment-là, ça leur permettait de repérer les cousins très éloignés qui étaient peut-être partis, bien sûr, du village, qui étaient ailleurs, mais avec lesquels on partageait quand même cette mémoire commune, avec lesquels on cousinait de loin, comme il disait. Il nous disait, ici, les mariages se renchaînent. Et donc, on ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire que les mariages se renchaînent. Alors, on a effectivement fini par comprendre que ces renchaînements d'alliances, c'était le fait que, justement, préférentiellement, on allait chercher à se marier avec ses cousins très éloignés, qui n'étaient donc pas trop proches, puisque c'était interdit par l'Église. Il fallait pas épouser son cousin Germain, ni, bien entendu, ni son oncle. Donc, il fallait pas être trop proche, mais il fallait pas non plus être trop loin. D'où, effectivement, la difficulté de parfois des étrangers qui arrivaient dans ces sociétés et qui mettaient un certain nombre de générations à s'intégrer véritablement. Monique Ormancet nous accompagne chez une ancienne habitante de Minot, Geneviève Joblin. On arrive. Je rentre pas, Geneviève. Je vous dis bonjour et c'est tout. Comment ? Donc, Geneviève Joblin, on est là parce qu'on fait un retour sur enquête sur l'enquête de Minot. Ça a fait grand bruit pendant un moment, parce qu'on était déjà fiers d'être connus en tant que village d'études. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque, jeune fille ? Moi, j'avais 20 ans, 63, donc, vous voyez, 67, donc... Alors, mais c'est vrai que j'avais plus le souci de la maison, du travail, puis que des enquêtes, j'avoue. Donc, si, par contre, j'en ai entendu parler par la grand-mère de mon mari. Elle était toute fière, ça c'est vrai, elle était toute fière. Mais en fait, tout le monde n'a pas apprécié les dires de ces dames. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont vexés. Enfin, qu'est-ce qu'elle faisait, la grand-mère de la grand-mère, vous savez, ils étaient cultivateurs. Hein. Enfin, c'était métayer, en quelque sorte. Et bon, ils avaient une ferme. Et elle était très... très ouverte à ce genre de choses. Elle avait un esprit très ouvert. Mais c'est vrai que j'ai appris par après qu'il y avait des gens qui s'étaient vexés. Je connais le village par la voix des enfants, moi. Mais comment je vais réagir? Je peux pas vous dire. Je suis d'abord très jeune à l'époque. Hein. Pour moi, les chercheurs, c'était Einstein. Alors vous voyez, c'est voir trois dames... On me dit, parce qu'on nous avait dit, c'est des chercheurs du Collège de France. Alors déjà, le mot Collège de France, si on ajoute laboratoire d'anthropologie sociale et de l'école des hautes études, c'est pour un petit paysan comme moi, parce que je suis avant tout paysan, autant qu'un titre. C'était très, très impressionnant. Ça se brouille un petit peu par moment. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros nuages qui arrivent, hein, oui, qui changent. Bon, moi, Madame Tartret, ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous avez pris une épicerie pour la première fois. Parce que je voulais faire quelque chose, quoi, je sais pas. Ça me plaisait un peu le commerce, quoi. Oui. C'est-à-dire que ma première idée, ce n'était pas ça, parce que je vous ai dit. Oui. Ma première idée, quand j'étais jeune, je voulais être sage-femme. Mm. C'est mon idée comme ça. Puis, oui. Moi, ça ne m'y a pas plu, parce que ma sœur était déjà à Paris. Mm. Alors, elle a dit que j'allais encore partir, et puis, quoi, que... Et vous ne faisiez pas hôtel chez Bertrand? Si, je faisais hôtel, quoi. Enfin, on ne pouvait pas avoir beaucoup de clients, il n'y avait pas beaucoup de place, mais enfin, j'avais deux chambres en haut, quoi, puis on couchait en bas. Et vous faisiez des repas? Oui, bien sûr. Et votre fille, elle vous aidait? Ma fille, Suzanne, elle m'aidait beaucoup parce que c'était elle qui lavait presque tout le linge à ce moment-là. Hein. Dites donc, elle a dû en laver du linge. Elle en a fait des lessives de drap. Oh là là là! Elle allait encore au lavoir, à la lessiveuse et au lavoir. Elle l'en a fait. Elle en a lavé les lessiveuses de drap. Oh là et là puis il fallait repasser. Il y avait aussi quelque chose qui a été très important, c'est les photos. On a eu la chance de retrouver des photos qui avaient été faites en 1900 par le menuisier du village et que des photos sur plaques de verre qu'on nous a données et on les a fait tirer. Et à partir de ces photos qu'on a ensuite données à nos interlocuteurs sur le au village, qui se souvenaient encore donc entre 65 et 75, et certains, les plus âgés, se souvenaient encore de ces gens qui étaient sur les photos. Et à partir de là, ils ont pu nous parler de la vie d'autrefois. C'est comme ça, par exemple, ici, il y a trois photos qui sont extraites, justement, de ces photos anciennes et qui, d'une façon extrêmement, disons, solennelle, nous montrent les trois groupes sociaux qui composaient le village. Il y a les messieurs. C'était ceux qui possédaient l'un le château en haut du village et l'autre la grande maison qui était en bas du village. Et à chaque moitié, une grande famille était à la tête. Et puis, en plus, toujours à l'intérieur du village, il y avait deux autres catégories sociales. Il y avait les gens du finage, c'était ceux qui travaillaient la terre. C'était soit des propriétaires, soit des métayers. Et une dernière catégorie sociale, c'était ce qu'on a appelé les gens du bois. Les gens du bois, c'était ceux qui travaillaient au bois, c'est-à-dire dans la forêt de Minot, à une certaine époque, et qui faisaient les affouages pour tout le monde, c'est-à-dire travaillaient le bois qu'on a le droit, et faisaient du charbon de bois aussi dans la forêt. Ces trois photos à l'époque, elles nous ont permis de vraiment visualiser ces trois catégories villageoises, sociales, que l'on retrouvait encore aujourd'hui quand on travaillait. Quand on leur a montré ces vieilles photos, les gens du village ont sorti les leurs, ce qu'ils avaient encore, qu'ils possédaient dans leur boîte en fer bien fermée. Et ils ont dit, ah ben, puisque vous nous montrez celles-là, je vais vous montrer les miennes. Et c'est comme ça qu'on a eu accès à leur album de vie. Et souvent, ils nous ont donné ces photos, on les a tirées, on leur a rendues après. Donc, on a pu retracer 100 ans de la vie du village au travers de ces photos, et ça nous a donné l'occasion de faire cette exposition qu'on a fait d'abord à l'école du village et ensuite au musée des arts et traditions populaires. Les photos sont pas sorties le premier jour. C'est quand on a eu confiance en elles, Michel Guyonnet, et qu'elles ont eu des photos des maisons, en particulier cette découverte des photos de Monsieur Amiot, je crois. Oui. Une centaine de plaques photographiques, des plaques en verre, quoi, qu'elles ont fait tirer pour faire leur exposition à l'école, qui les a vraiment après introduits dans le village, quoi. Elles étaient reconnues là. L'exposition était magnifique. Moi, je trouve que ce geste-là qu'elles ont fait, il est fondamental dans la dynamique de leur enquête, puisque la question de l'ethnographe sur son terrain, c'est de se trouver une place. Alors, quelle place on négocie ? Alors, parce qu'on est un observateur, on est soit apprécié, soit détesté, soit, mais on est toujours quelque part, on prend la place qu'on veut bien nous donner. Et en faisant une exposition, elle se donne une place de on va produire avec vous une mémoire du village, une histoire du village. En plus, je trouve ça assez élégant parce que c'est quelque chose d'assez consensuel. On rentre pas sur on va travailler sur les problèmes fonciers, là ils sont en plein remembrement dans cette période-là. On va pas rentrer sur une question conflictuelle qui va braquer, on va rentrer sur une question plus consensuelle, le passé. Donc l'exposition leur donne à la fois la visibilité d'être des gens de culture, des gens de savoir. Donc je pense que dans leur dynamique de l'enquête, ça leur donne une vraie position, peut-être de surplomb, mais je pense en tout cas à stabiliser la perception que les enquêtés du village pouvaient avoir d'elle. Oui. Donc là, il y a des cassettes. Alors moi, je voulais bien qu'on écoute un extrait, puis que je sais pas que vous nous disiez, Françoise Onabène. Donc on a choisi la cassette. Madame Jacquier, les Gérardot. Donc très bien, écoutons. C'était simple, on va la famille, si c'était des pommes de terre, c'était des pommes de terre, si c'était de la poutine, c'était de la poutine. Puis alors je rentrais, ma grand-mère disait, où c'est que t'étais encore mangé. Parce que je disais, ben j'ai pas faim, j'ai mangé. Ben t'as encore, ben ça tu peux donc pas venir manger chez nous. Eh ben non, il fallait que j'aille manger. Ben c'était, vous trouvez que c'est plus libre maintenant qu'autrefois? Ben les enfants, il n'y a pas l'impression qu'ils vont comme ça. Ben moi quand même, hein, les enfants maintenant. C'est pas la même chose. Ils viendraient pas manger chez vous comme ça. Non, c'est pas la même chose maintenant. Vous nous décrivez une vie qui me semble ne plus exister du tout. Ah ben, pour les enfants, en tous les cas. C'est moins familier hein, maintenant. Non. Ce sont des entretiens qui se poursuivaient d'un moment à l'autre, d'une année à l'autre, et on a recommencé. Faut dire aussi que la façon dont nous avons travaillé, maintenant, plus aucun ethnologue ne travaillait comme ça parce que nous, on a pris notre temps. On a travaillé pendant plus de 8 ans au village. Et on revenait constamment. Alors, ils ont eu le temps de s'habituer à nous. Au départ, c'était pas si facile, effectivement. Et même quand on revenait, au bout d'un certain moment, parfois, ils nous interpellaient dans le village en disant, vous viendrez me voir parce que vous savez, l'autre fois, quand je vous ai parlé, je vous ai dit ça. Eh bien, je me suis souvenu que j'aurais dû aussi vous dire ça, etc. Donc, si vous voyez, il y avait toute une suite, quoi. À chaque fois, une suite. Et donc, il y a une mémorisation de ce qu'on leur disait qui leur a fait prendre conscience aussi de ce qu'ils savaient. Et donc, c'est comme ça que peu à peu, la parole est devenue facile entre nous. Nous nous sommes entendus. Au bout d'un certain temps, il comprenait nos questions et nous comprenions ce qu'il voulait nous dire, etc. Si on revenait, si on avait encore des questions à leur poser, c'est que vraiment ce qu'ils nous disaient nous intéressait. Ils nous posaient des questions sur nous, bien sûr, et nous demandaient qu'est-ce qu'on faisait à Paris, où étaient nos enfants, nos maris, pourquoi. Parce que vous étiez les dames hein, quand même aussi, oui, à l'époque. Oui, on était les dames de Minot, comme ils nous ont dit, etc. Les dames de Paris plutôt. À Minot, on était les dames de Paris. À Paris, on était au laboratoire d'anthropologie sociale, on était les dames de Minot, ce qui avait un petit côté péjoratif, je dois dire. Bon, mais pas à Minot. À Minot, on était les dames de Paris. Et ces dames de Paris, eh bien, elles s'intéressaient à nous. Et les questions qu'on leur posait les intéressaient. Ce que je vois, que c'est que ça tourne. Bon, alors, attendez, je vais mettre près de vous parce que, vous voyez, c'est écrit comme ça. Alors, on va commencer à voir les mots. Ah, oui, c'est là, par exemple, ça, c'est intéressant. Abro, c'est un arbre. Ebrusak. Ebrusak, c'est un ebrusak, c'est une gypsière, quoi, quelque chose, quand une musette que l'on prend. Un ebrusak. Ah oui, c'est alors, ça. Justement, il y a la prononciation qui joue. Oui. Sur l'écrit, ça, vous voyez, moi je dis ebrusak, puis c'est écrit avrusak. Ah, alors oui, on dit ebrusak quand pas toi. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Alekouya, ben oui, à l'abri du vent, Alekouya. Et ben, voyez, c'est difficile de l'écrire, Alekouya, quand on parle. Ben, voyez, il n'y a pas. C'est écrit, il a écrit Alakouyo. Oui, oui, alors c'est Alakouya. On disait Alakouya, c'est Ya. Nadje. Aide. L'Adje. Adje. Adje. Elle est Adje, oui. Est-ce que tu peux mettre Madje? Ben oui. Ça veut dire aide. Oui, oui, oui. Adje. Alors ça. Aga, courage, attrape. Voir ga, aga. Parce que là, c'est. Garder, on dit ga. Il s'est trouvé qu'on a trouvé un nagement. Un fascicule, le patois de Minot, qui était un fascicule qui avait été fait par un érudit local. Et donc, on a cherché à savoir si les mots de ce patois qui avait été repéré dans ce fascicule étaient toujours, avaient toujours cours et qu'est-ce que les gens de Minot pensaient. En fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'est pas une langue vernaculaire, c'est un patois. Ce qui était plus intéressant, c'est leur façon de parler la langue aujourd'hui. Leur façon de décliner un certain nombre de substantifs. Par exemple, lorsqu'ils parlaient de leur façon d'aller, quand ils gardaient les vaches, ben, ils allaient au champ les vaches et quand ils avaient fait pâturer une vache en dehors de son propre champ, il fallait qu'ils aillent au pardon, c'est-à-dire qu'ils aillent demander pardon au propriétaire du champ que la vache avait brouté par inadvertance, etc. Donc, il y avait toute une façon de parler qui montraient leur particularité et leur façon surtout de vivre leur environnement. Alors les bassines, oui. Bon, alors on est où? On était dans la bassine. La bassine, voilà, on l'a vu maintenant. Le bassin. Oui, le bassin. C'est quel genre de bassin? Le bassin pour laver ou... Non, c'était un bassin pour conserver, pour prendre de l'eau, mais c'était spécial, moi je n'en ai jamais eu ici. Ça faisait un manche et puis on pouvait le pendre. Oui. Hein. Je ne sais pas qui c'est qu'on avait ici. Ah, mais on en avait, ben, je ne les ai pas eu puisque c'est ma belle-mère. Et il y avait un coup? Non, non, non, ça faisait comme une louche, vous voyez. Oui. Ben, alors c'était plat où on prenait l'eau, c'était plus plat. Puis c'était la même chose, c'était du cuivre la plupart. C'était du cuivre. Oh, mais ça avait de la valeur. Hein. Là, j'aurais bien voulu si elle m'en aurait donné au lieu de les vendre avant de mourir. Hein. On a tout vendu dans la cour. Elle avait des vieilles lampes à huile. Moi, je disais tout le temps, oh, tu me les donnes là, sur ton testament. Ben, elle n'a pas fait de testament, cette imbécile-là. J'ai été vendu pas trop cher, ces lampes à huile. Ça me faisait envie sur sa cheminée. Elle avait des lampes à huile en cuivre d'autres fois. Hein. Ah, oui. Oui, ben, c'était ça, un dessin. Bévoché, ben oui, c'est celui qui bave en buvant ou en mangeant. On dit, ben vous ne mangez pas comme ça. Même les enfants, ça, ils mangent des fois mal proprement. Alors on dit, mais est-ce que tu vas bévocher encore longtemps? Ben oui, c'est que ça, parce que ça coule là. Mais... Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Bévochon, c'est la bavette qu'on met devant pour les petits-enfants. Ah, oui, d'accord. T'es mis ton bévochon, qu'on dit. Oui, oui, ou alors une serviette de table, c'est un bévochon, quoi. parce que ça pour le cueillir là-bas, hein. C'est pour le cueillir. Parce qu'il tombe, c'est un bain au champ, oui, oui, oui. Bain vous. Ben, c'est les enfants quand ils meurent, quand même des vieux, les vieux viennent bain vous aussi en vieillissant. Et quand on n'a plus de dents, tu baves, quoi, qu'on dit tu baves. Est-ce que tu vas baver encore longtemps? On ne voit plus de gens bain vous quand même dans le temps, les vieux étaient bain vous, hein. Ah oui, oui. Ah, moi, c'est pas, maintenant, c'est pas pareil. C'était une question de dents, maintenant. Probablement, maintenant, tout le monde a des dents. Des dents. Oui, des dents. Ça, on n'en a plus, on en fait, mais il y en avait beaucoup de vieux. Alors, forcément, la salive, est tombé, oui, comme un enfant quand il n'en a encore pas. C'est pas vrai. Quand il a des dents, il bave tout le temps. Avant, ben, ça fait, il bave tout le temps, ça, c'est bien ça. Les bijoux, ben oui, les bijoux, c'est les joues. C'est ce qui pend là. On voit des joues. Voilà, ces entretiens étaient pour nous ces moments de libération, sans doute, de leur mémoire, de leur parole aussi, qui nous ont appris beaucoup. Et qui nous ont peut-être permis d'écrire tout ce qu'on a écrit, et peut-être aussi auxquels ils ne s'attendaient pas. Et non plus, d'ailleurs, la communauté disciplinaire non plus ne s'attendait pas à ce qu'on puisse travailler comme on l'a fait en ethnologue, avec une démarche véritablement ethnologique, en allant sur le terrain, en entretien face à face, en enregistrant soi-même toutes les données dont on avait besoin, comme un ethnologue qui part au fin fond de la brousse et qui il n'y a rien, donc il faut qu'il enregistre tout ce dont il a besoin pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Ben, nous, pourtant, on était entourés, ils parlaient le français comme nous, ils avaient vécu les mêmes histoires. Ils avaient vécu les guerres, les mêmes guerres, la Seconde Guerre mondiale, la Première, etc. L'Exode, il y avait des... Bon, on était dans un même monde. Et pourtant, on ne participait pas exactement des mêmes choses. On n'avait pas exactement les mêmes façons de fonctionner. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Parce que, par exemple, les figures de ces femmes qui sont comme ça, en quelque sorte, des figures tutélaires au moment des passages et qui font le destin, en quelque sorte, de chaque individu, eh bien, dans aucun recueil de folklore, vous n'en aviez entendu parler jusqu'à présent. Apostrophe, 7 mars 1980. À côté de moi, c'est Yvonne Verdier qui est attachée de recherche au CNRS, et vous êtes installée pendant quelque temps dans un village de Bourgogne qui s'appelle Minot, et vous en avez rapporté ce livre, Façon de dire, façon de faire, sous-titre La laveuse, la couturière et la cuisinière, et c'est un livre, je dois dire, passionnant de bout en bout, bien qu'il s'agisse d'ethnographie, car souvent on dit ethnographie, c'est un peu ennuyeux, et bien ça n'est pas du tout. Alors, vous êtes une ethnographe, et vous êtes allée étudier les femmes de Bourgogne, comme d'autres vont étudier les Lapons, les Esquimaux ou les Indiens d'Amazonie. Oui, c'est ce qu'on dit d'habitude, mais je ne prends pas les femmes de Bourgogne pour des Lapons ou pour des Indiens d'Amazonie, d'un autre côté. Mais c'est un fait que à plusieurs, on est allé et venu dans ce village de Bourgogne pendant à peu près 8 ans. Et moi, je me suis surtout intéressée à ce qu'on pourrait appeler la culture féminine. Et c'est passé par l'écoute de ce passionné et passionnant discours qu'ont les femmes sur elles-mêmes, sur leur propre physiologie, sur leur corps. Vous vous intéressez surtout à trois femmes, et trois femmes qui ont des fonctions publiques dans le village. Celle qui nettoie, celle qui fait la cuisine et celle qui coud. Oui. Alors là, c'est donc vous avez fait un choix délibéré. Oui, absolument. C'est-à-dire que peu à peu, ces trois personnages ont pris corps un peu sous mes yeux, à partir du moment où j'ai compris que cette vie féminine se déroulait selon des étapes. Au départ, cette monographie, ça devait être donc un livre, une monographie sur Minot, écrite en commun. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que faire une monographie nous ennuyait profondément. Il fallait faire des chapitres qui étaient préétablis, préconçus. Il fallait faire un chapitre sur la démographie, un chapitre sur l'histoire, un chapitre sur la géographie, un chapitre sur, sur l'économie du village. Et tout ça nous ennuyait. Et peu à peu, on s'est intéressé chacune à des, disons, des champs d'études différents. Il s'est trouvé que je me suis mis à travailler sur la parenté. Alors, Yvonne travaillait beaucoup sur les repas dans les sociétés un petit peu traditionnelles. Et peu à peu, elle a mis en avant ces trois figures de femmes, la laveuse, la couturière et la sage-femme, qui présidaient en quelque sorte les grands moments de la vie humaine, la naissance, le mariage et la mort. Et puis Tina, elle s'est mise à travailler sur des rituels actuels, et c'était beaucoup plus les hommes, au travers les repas de chasse, par exemple, qui avaient lieu après les grandes chasses, où il n'y avait que les hommes qui étaient admis, au travers aussi de grandes, disons, beuveries entre les hommes, qui s'appelaient les embuscades, et où les hommes venaient se chercher les uns les autres chez eux pour tout d'un coup se retrouver, comme ça, bien sûr, en dehors des femmes, au café du village. Et donc voilà, sur cet inventaire qui est ici, eh bien on a tout puisé, ce qui nous intéressait. Épuisé même, vous dites. Et même épuisé. Aujourd'hui, madame. Bonjour. Août 1976. Dans notre approche de la vie paysanne, autrefois, nous voudrions parler aujourd'hui du travail de la terre. Je voudrais me tourner vers une Marie-Claude Pingot, qui est technologue, qui travaille au laboratoire d'anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss au Collège de France et qui a publié « Les agriculteurs et leur exploitation ». Vous n'avez pas publié. Vous avez écrit une thèse qui s'appelle « Les agriculteurs et leurs exploitations à Minot en Châtillonnais depuis 1830 jusqu'à nos jours ». Alors, je voudrais savoir, autrefois en Châtillonnais, comment s'occupait-on de la régénération des sols ? Est-ce qu'on faisait un engrais au fumier ou... Oui, au fumier. Il parle beaucoup du fumier autrefois et... Et d'ailleurs, j'ai eu des témoignages de fermières qui étaient, quand elles étaient petites filles, destinées à entretenir en quelque sorte le fumier. Il y en a une qui me raconte qu'elle devait prendre le purin avec une vieille poêle et arroser le tas de fumier pour que ça croupisse mieux, si je puis dire, avant qu'on le porte dans les champs. Et elle s'en souvient avec horreur, celle-là. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui peut-être, en regardant, je pense que ça, c'est ce qui ont été nos journaux de terrain, effectivement... Ce sont juste sur les dégâts, donc c'est des cahiers noirs, des colliers, oui. Hein, d'une certaine manière, c'est ça ? C'est des cahiers noirs, que c'était ce qu'on appelait journaux de route, et contenaient les unes les autres, à chaque fois qu'on venait dans le village. Et en regardant ces carnets de notes, je m'aperçois combien ils sont très laconiques, très peu développé. En fin de compte, on prenait note des rendez-vous qu'on avait eus. Françoise Zenaben se rend à 8h30 à l'école afin de faire passer des tests aux enfants. Oui, j'ai fait passer des tests. Tina Jolas va voir Madame Tarteret, la femme qui aide. Dans les accouchements, déjà vu par Yvonne, on trouve Madame Tarteret dans sa cuisine. Elle est prête à nous accorder un entretien. Voilà, simplement, on énumère les différentes entrevues qu'on a eues dans la journée. C'est-à-dire que nos journaux de terrain étaient des sortes d'agendas sur lesquels on notait les rendez-vous qu'on avait, le temps qu'il faisait, s'il faisait froid, s'il faisait chaud, où est-ce qu'on était à Minot, enfin c'était... Mais sur ces journaux de terrain, il n'y a rien qui... montre l'élaboration de l'enquête. Et parce que nous étions toutes les quatre, tout le temps, ensemble, au laboratoire d'anthropologie sociale, où on se retrouvait. Et donc c'est là où on discutait beaucoup plus de ce qui s'était passé sur le terrain, de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait voulu chercher, de ce qu'on cherchait. Mais ça, on ne l'a pas noté. Ça, c'est écrit nulle part. Parce que on a tout mis en commun. Et nous, la collectivité, la communauté, elle était entre nous. C'est-à-dire que qui que ce soit faisait les entretiens, donnait accès à ces entretiens aux autres. ou même quand on dépouillait un livre, que ce soit un livre de littérature régionale ou un livre d'histoire de la région, du Rouppnel ou Saint-Jacob ou encore Marc Bloch, et chacun pouvait en prendre connaissance. Ce qui fait que on a travaillé sur le même corpus. Et sur ce corpus, chacune d'entre nous a pourtant écrit des choses différentes. Elles auraient très bien pu, dans ce système de domination masculine sur les femmes, elles auraient très bien pu rester les petites mains. Et puis derrière, c'est les grands noms du laboratoire qui signent. Donc il y a toute une histoire des femmes dans les laboratoires, dans la division du travail, c'est elles qui font le terrain pour les hommes. D'autant qu'elles-mêmes racontent qu'elles doivent rendre des comptes aussi à leurs collègues masculins. Évidemment, une structure genrée et dominée très forte dans l'anthropologie, au laboratoire d'anthropologie sociale. Pour ce que moi j'en vois, le domaine français est bien sûr tout en bas de la hiérarchie des objets et des aires géographiques. C'est la petite anthropologie, l'anthropologie de la France, la vraie anthropologie. C'est, plus on est loin, exotique, plus on est avec le rêve d'une société qui n'aurait été jamais touchée par l'Occident. La plus pure des exotiques, ce serait celle-ci. Et donc là, ce serait l'anthropologie La plus haute, et ça c'est des hommes qui s'occupent de ces très gros objets, et les dames de Minot, elles sont soumises à un système de contraintes, elles racontent bien que si elles prennent le domaine français, c'est pas parce qu'elles acceptent d'être des dominées, c'est parce qu'elles sont épouses et mères de famille, et que donc aller partir 6 mois sur le terrain au Brésil ou je ne sais où, en Amazonie, c'est pas possible pour une femme des années 60 qui serait une mauvaise mère. Donc il y a un ensemble de systèmes de contraintes qui fait que ce sont les femmes qui vont vers le système français, qui donc les mettent en bas de la hiérarchie des objets et qui donc doivent justifier constamment auprès de leurs collègues masculins qui, j'imagine, ricanent en petit comité au laboratoire d'anthropologie sociale en disant « c'est marrant leur truc, mais bon, c'est pas le vrai truc, quoi ». Et elles s'en accommodent parce que sociologiquement, c'est pas des militantes. Comment dire, leurs prédispositions sont bien positionnées pour accepter la place qu'on leur offre. Et en tout cas, elles font corps. Elles mettent en commun leurs données, elles cèdent, elles s'entraident. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais eu des discours conflictuels entre elles, alors que ça aurait très bien pu advenir. Moi, je suis plein d'enquêtes collectives. La mise en commun des données, c'est tout sauf quelque chose d'évident. Par contre, là où elles vont construire quand même l'idée d'un chercheur auteur individuel, où un sens de l'écriture est quand même important, dans la façon d'écrire est quand même quelque chose qui leur importe énormément, elles publient l'essentiel quand même en leur nom. Il y a 3 livres qui sortent, c'est des livres individuels. De l'ethnographe à l'anthropologue, elles font tout le boulot. Donc on peut dire que c'est des chercheurs collectifs dans la collecte et des chercheurs individuels dans l'interprétation. Et c'est le modèle qui advient après. On a dans une anthropologie très individuelle jusqu'à aujourd'hui. Il faut être un auteur. Après, ils mettaient en croix. Et puis après, ils dressaient tout debout comme ça. Mais ils vivaient au bois ? Oui, oui. Toute l'année ? Toute l'année. Des familles entières ? Une grande famille, oui. Et où est-ce qu'ils vivaient ? J'avais des baraques en terre. L'invité du dimanche, 20 juin 1971. Ça faisait beaucoup de monde au bois, monsieur Joly. Ah oui. Alors racontez-nous dans le temps comment ça se passait. Eh bien, on est toute une équipe, puis tout le monde coupait, chacun avait son carré. On était l'un côté de l'autre, puis à midi, tout le monde se rassemblait. Toutes les familles, alors ? Oui, tout le monde se rassemblait pour casser la croûte. Et on restait toute la saison ? Ah ben, ils s'en allaient le samedi chercher le ravitaillement. Non, mais c'était heureux. Tout le monde s'accordait mieux, l'argent c'était pas pareil, puis tout le monde n'était pas jaloux comme aujourd'hui. Donc, ah oui, on se fréquentait mieux. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Joly, maintenant ? Ben moi, je travaille au Valdite. Le Valdite, c'est le centre d'énergie atomique qui est situé à 20 km du village et qui... Moi, effectivement, j'étais très loin du monde rural. Et c'est peut-être pour ça que je me suis tellement intéressée à ce qui se passait là, parce que c'était très exotique pour moi. Voilà. Et vous dites d'ailleurs, vous avez fait de l'ethnologie exotique voilà, en France. J'ai fait de l'ethnologie exotique en France. Mais les gens ont dit, oui, vous nous avez pris pour des sauvages. Les Indiens de Bourgogne. Les Indiens de Bourgogne, voilà. Parce que ce n'est pas nous qui avons dit ça. C'est les journalistes qui se sont cru autorisés de dire, voilà, à cette époque... C'était une façon extrêmement péjorative de dire voilà comment aujourd'hui des chercheurs vont travailler sur leur propre société. Hormis les agriculteurs, tous les gens actifs du village travaillent maintenant hors des limites. D'abord, Lévi-Strauss est extrêmement sensible à tout ce qui se passe autour de lui et il ne fait pas de différence. Il n'a jamais fait de différence entre les sociétés lointaines, exotiques sur lesquelles il a travaillé. Et les sociétés du proche, la France, etc. Simplement, il pensait que sur ces sociétés, il fallait travailler en ethnologue. Il fallait aller recueillir soi-même ces données et il fallait pas travailler à partir des écrits comme il fallait. Donc, il fallait vraiment travailler en ethnologue dans ces sociétés. Et c'est donc ce que nous avons fait. Ce qui n'était pas du tout de l'opinion de, par exemple, que ce soit les folkloristes qui, eux, nous ont dit, mais pff, d'abord, il se passe rien dans le Châtillonnais, il n'y a plus aucun rituel, cette société est complètement modernisée, décloisonnée, il n'y a rien à y chercher d'un point de vue folklore, c'est-à-dire de ce qui aurait été des traditions, des grandes fêtes ou des grands rituels qui pouvaient encore exister ailleurs. Et je me souviens même que le jour où j'ai fait le séminaire chez Lévi-Strauss, donc je présentais Minot, il y avait dans l'assistance Marielle Brune de Lamarre. Et après le séminaire, Marielle Brune est venue vers moi, puis elle m'a dit « Ah ben ça se voit que vous n'êtes pas née à la campagne !» Alors effectivement, j'avais sans doute pour elle raconté des choses qu'elle savait fort bien. Et qu'elle savait tellement qu'elle n'avait pas trouvé intéressant de les rapporter. Dis bonjour. Hein? Qui c'est celui-là? Ah, c'est un Julien, celui-là. Mm-hmm. C'est un fils de Marc Julien. Ah, ben qu'est-ce que t'es grandi. Donc moi, je t'ai vu, t'étais grand comme ça, à peu près. Tout petit. Tout petit, oui. Mais oui. Alors, c'est ta maman qui tient l'épicerie, maintenant? Hein? Comme ton arrière-arrière-grand-mère, alors. Ah oui, moi aussi, hein? j'ai fait ça. Enfin, je vous dis, je l'avais repris, ça, en 1910. Oui. Je me suis mariée en 1912. Mais alors, là, vous faisiez que l'épicerie. Vous vendiez au café Un peu tout, un peu de, comme tout, de l'épicerie, quoi. Oui. Du café, mais du vous sucre. Faisiez pas ni le pain? Ah non. Non, non, non. L'épicerie seulement, quoi. Je vendais de... Enfin, tout ce qui se vendait un peu dans l'épicerie, quoi. Mmh. Du sucre, du café, de l'huile, du vinaigre, du sel, du je sais pas quoi, moi, tout ce qu'on pouvait vendre comme dans une épicerie, quoi. Naturellement, on ne vendait pas des choses comme on en vend maintenant. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on... Mais vous étiez ouvert comme maintenant, tout le temps Tout le temps. Est-ce que c'était fermé le dimanche? Oh, jamais. C'est jamais fermé. Il y en a même qui venaient des fois que j'étais pas levée. Ah bon? Et vous attendez à la porte, alors? Oh, ben, il y en avait une femme qui restait dans le bar, là. Mmh. Elle m'appelait le matin parce qu'elle avait oublié la veille. Elle venait acheter un demi-quart de café. Ah oui. Mais pas un quart, un demi-quart de café. Parce qu'à ce temps-là, du café, on en achetait pas beaucoup. Hein. C'était un peu du luxe, presque. Les questions qu'on leur posait les intéressaient. Et alors, peut-être qu'ensuite, quand elles nous ont lus, ou pour ceux qui nous ont lus, ils n'ont pas toujours été très contents de ce qu'on a raconté, parce que le travail de l'ethnologue, c'est pas de prendre au mot ce que vos interlocuteurs vous disent, c'est souvent de chercher derrière les mots ce qu'ils vous ont pas dit. Et effectivement, ils ont eu confiance en nous, ils nous ont raconté, on est devenus... Non, je crois pas qu'on était vraiment amis, mais disons qu'il y avait une sorte d'empathie réciproque. La confiance était installée. Voilà, la confiance était installée. Et donc, ils pensaient qu'on allait simplement restituer leurs paroles telles qu'ils nous l'avaient données. Il s'est trouvé que, aussi, quand le livre d'Yvonne est sorti sur ces trois grandes figures féminines, eh bien, il y a une journaliste qui est venue nous trouver à Paris et qui nous a interviewées toutes les quatre et qui a dit « Ce serait intéressant si vous vouliez venir avec moi à Minot ». Et on lui a dit « Non, nous, on ne veut pas venir à Minot avec vous et on ne pense pas qu'il faut que vous alliez à Minot parce que, d'abord, ce n'est pas la même chose que d'être journaliste et d'être ethnologue, etc. » Et elle y est allée sans notre autorisation. Et là, elle a dit, bien oui, voilà, je voudrais savoir qui est la couturière, qui est la laveuse et qui est la cuisinière. Alors, il n'y avait plus de couturière, il n'y avait plus de laveuse. Il restait la cuisinière qui était encore en vie à Minot. Et la journaliste a pris la photo de cette personne en disant, voici la cuisinière de Minot. Elle s'appelle Madame et elle donne son nom exact, alors que dans le livre d'Yvonne, c'est changé. Et elle donne, elle dit, voici ce qui est écrit dans le livre. Elle vole, c'est-à-dire qu'elle chaparde une partie du repas, etc. La cuisinière l'a su et elle a porté plainte. Et donc, il y a eu un procès. Et heureusement, le tribunal a remarqué que les ethnologues avaient changé les noms, qu'on parlait d'une façon générique. Déontologiquement, on avait respecté toutes les règles. Mais quand on est sorti et qu'on a parlé à la cuisinière, enfin, cette femme, elle nous a dit « Oui, ben, j'ai gagné, mais si vous n'aviez rien écrit, rien ne se serait passé. » Et donc, on a compris qu'à ce moment-là, il valait mieux qu'on ne revienne pas à Minot. Et on n'est jamais revenu. Merci à Françoise Zonaben, Henri Julien, Michel Guyonnet, Geneviève Joblin, Monique Ormancet et Gilles Laferté. Merci également à Céline Alazard, responsable du fonds Minot aux archives de la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon. Elles m'ont appris une chose énorme que je leur dois, c'est d'écouter. Parce que c'est vrai que dans la vie, j'ai appris ça d'elle, que des fois on écoute, on attend que l'autre ait fini de parler pour parler soi-même. Que les mots, il faut attendre qu'ils viennent et puis les enregistrer, puis voir pourquoi ils ont été dits. Archivina, avec des extraits, des entretiens originaux menés par Tina Jolas, Marie-Claude Pingot, Yvonne Verdier et Françoise Zonaben. Prise de son, Thomas Robin et Philippe Thibault. Mixage, Delphine Baudet. Retour à Minot, Séverine Liattard et Véronique Samouilov. Et demain, nous continuerons notre semaine consacrée aux grandes enquêtes et nous parlerons des enquêtes sociales et hygiénistes du 19e siècle dans l'émission du mercredi, émission d'archives. Si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, et vous pourrez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez et la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion.